Je suis au paradis et je veux faire Vanessa. On essaiera pas de piquer ce qui t'appartient. Voilà tiens, prends le tien, caresse pas les clés. Parle pas comme ça, ça me paraît drastique. Vote pour la pratique. Foncez dans le don, foncez dans le tronc. J'ai créé une fédération, on est prêt pour l'action. Elle veut Pepo Max, à son âge elle prendra 4 chiffres. Et t'as pas de cible, oh pétasse, mets-toi assis. Elle me faisait bonne impression au début. Mas en orange qu'au détenu, loin des nus. Lions ont bossé sur nos faces, viens là. Oh, lions ont bossé sur nos faces, il est pas trop tard. L'oblio citizen, ton rouge veut l'euthanasie. Y'a que des chaînes, ne reviens pas, elles sont à chaque négligé. On taffe comme la SPA, je n'ai que plus espéré. Vois du sang sous tous les toits pour oublier tous ces fessiers. Je vais dormir pendant 20 heures et puis comprendre quel jour on est. Tu prends tout ça pour te détendre, t'as pas le pouvoir d'innover. Tu prends tout ça, t'es en descente, je suis dans le manoir de l'inspi. Grosse entretien sur la corniche du lundi au samedi. Je suis sur l'île, je rentre en villa dans la ville. Je suis cette villa en jogging, tous les boules sont éclatées. Je me demande ce que je fais là, donc je king. Racontez-moi vos histoires, je ferai semblant, tu sais que je m'en branle. Neige de Lyon Air, international et leur bande. Y'a qui m'appelle sur mon combiné. Toi et moi B, pas pour copiner. Différents deux, je laisse au pied. Toujours les mêmes, presque au pied. Appelle-moi plan pute, bon billet. Que Dieu m'éloigne, ça t'a oublié. Tu voulais du sale, allez viens par ici. Que de la frappe, pas de la terre à la résine. La drogue à la drogue. Sur ma vie, je voulais voir autre chose. Le sang, je viens me chercher un Range Rover. Je fais le tour de la ville en zone. Manque de respect, on démarre. Viendra te chercher où tu demeures. On ne dit pas là où on mange. Un petit billet, je me démerde. Un éclair au bout du doigt, c'est fou toi, rafale fou droit. Un éclair au bout du doigt, c'est fou toi, rafale fou droit. Gros camas, fuit tout droit, fin dramatique, pour toi. T'arrêtes pas les bastos, c'est pas tu cours toi.